Le gouverneur d'administration du territoire maritime de Russie, Vladimir Mikhlochevski, a fait parvenir un présent au maréchal Kim Jong-un. Le sous-gouverneur Sergei Nihayev en visite en Corée l'a transmis le 28 septembre à un cadre coréen intéressé.